Ce n'est pas en faisant l'autruche que l'on pond les plus gros œufs. C'est le thème de cette chanson. Ce n'est pas en se résignant qu'on réalisera quelque chose de grand. Non, ce n'est pas même en admettant que c'est dur qu'il faut renoncer quand l'épreuve arrive finalement. Faut pas faire le surpris quand le retour du bâton fait pont dans ta face immanquablement. Ce n'est pas en faisant l'autruche que l'on pond les plus gros œufs. C'est évident, c'est tout con. Ce n'est pas en faisant comme si on ne voyait pas le vide de nos vies. Non, ce n'est pas en faisant comme si de rien n'était qu'on saura ce qui nous connecte avec l'infini et donne un vrai sens à la vie. Ce qui rend capable aujourd'hui de dire sereinement je suis. Non, ce n'est pas en faisant l'autruche que l'on pond les plus gros œufs. C'est l'histoire de cette chanson. Dans nos pieux, en zappant toute idée de Dieu.